Anne Roche est romancière, essayiste, professeure émérite de littérature, et elle a écrit ce très beau livre qui s'appelle « Exercice sur le tracé des ombres » Walter Benjamin, qui a eu il y a trois ans le prix Walter Benjamin, justement. Voilà, Anne, je te passe la parole. Alors, on a prévu un temps d'échange avec chaque intervenant après les... Voilà. Merci. Je vais faire comme Benjamin, je vais me chronométrer. Tu n'hésites pas à m'interrompre si c'est trop long. Oh oui. Impitoyablement. Il faut que je fasse un essai de voix. Vous m'entendez? C'est bon? Bon. Bien comme Didier l'a rappelé dans le texte qu'il vous a lu en introduction, à la radio, il faut faire très attention au minutage. C'est une contrainte, mais une contrainte qui est évidemment, ou qui peut être productive. Alors mon titre, c'est « Dressez l'oreille, vous risquez d'en avoir besoin ». C'est une phrase de Benjamin, j'ai fait en fait un montage parce que c'est un paragraphe dont j'ai extrait ces deux phrases. Je vous dirai éventuellement le contexte à la fin si nécessaire. Et le sous-titre, c'est « Apprentissage de l'insatisfaction ». Alors ce terme d'insatisfaction, il est chez Benjamin à plein d'endroits, mais on le trouve notamment dans un entretien avec Ernst Schön, qui était compositeur de musique, qui était directeur de la radio de Francfort et qui était un ami de Benjamin. Et c'est grâce à Ernst Schön que Benjamin a eu ce job à la radio. Alors pourquoi insatisfaction? C'est qu'au départ, la radio, qui est évidemment, comme le rappelait Philippe Baudouin, qui pouvait être un instrument d'éducation populaire, d'élévation, etc., au départ, c'était un fiasco. Pourquoi? C'est l'analyse de Schön reprise par Benjamin. Pourquoi c'est un fiasco? C'est parce que la radio, dans ses débuts, c'était la juxtaposition de deux formes qui étaient complètement antagoniques. D'une part, des conférences extrêmement pointues, destinées à des spécialistes, et donc qui étaient sans doute mortelles pour l'auditeur moyen. Et d'autre part, des divertissements, entre guillemets, c'est-à-dire des jeux ou des variétés, mais qui étaient très quelconques. Donc du coup, insatisfaction de l'auditeur, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la radio, il tourne le bouton du poste. Or, l'idée de Benjamin, c'était justement d'essayer de créer une insatisfaction qui soit créatrice, c'est-à-dire qui n'amène pas l'auditeur à ce qu'il appelle du sabotage. Le sabotage, c'est le seul moyen qu'il ait à sa disposition, c'est couper la radio. Et c'est un peu de ça qu'on va essayer de parler, c'est-à-dire de voir comment on peut créer une insatisfaction qui ne soit pas une frustration, mais qui soit une sorte d'éveil critique et d'appel à l'expertise de l'auditeur. Je rappelle au passage que Philippe Baudouin, dont nous avons entendu l'émission à l'instant, est l'auteur donc d'un ouvrage fondamental que vous avez, je crois, sur la table, qui s'appelle « Au microphone, Dr Walter Benjamin, Benjamin et la création radiophonique ». Et c'est lui également qui a fait le choix des écrits radiophoniques. Que je n'ai pas là. Si non, ce n'est pas ceux-là. Si, mais si, je veux celui-là pour la couverture. Voilà, ça j'en parle. Si, tu as raison. Voilà. Et c'est lui également qui a fait le choix de ce texte qui s'appelle Benjamin, écrit radiophonique, qui a été traduit par Philippe Hivernel. Et les deux bouquins sont vraiment des ouvrages de référence si vous vous intéressez à la radio. Alors, pourquoi est-ce que Benjamin s'intéresse à la radio? En premier lieu, bien sûr, c'est alimentaire, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit pour lui de gagner sa vie, parce que, comme vous le savez peut-être, enfin peut-être les étudiants le savent peut-être pas, sauf que Bruno en a peut-être parlé hier, il avait échoué à sa thèse d'habilitation, donc il ne pouvait pas faire de carrière académique, donc il fallait qu'il gagne sa vie autrement, avec des activités de journaliste, de critique littéraire et de radio. Mais la radio l'intéresse évidemment pour d'autres raisons. Tout d'abord parce que la radio, à l'époque, c'est une technique tout à fait neuve et surtout qu'elle peut toucher des masses beaucoup plus que le théâtre. D'autre part, et je crois que pour moi, enfin à mes yeux, c'est le plus important, la radio, pour lui, rencontre une de ses préoccupations fondamentales qui est de travailler sur la séparation entre producteur et consommateur. producteur culturel, consommateur culturel, mais ça peut s'étendre à bien des domaines. Et ça, c'est une idée que vous trouvez partout, que vous trouvez dans le texte qui s'appelle « Le narrateur » ou « Le conteur » selon les traductions, et qui est vraiment une constante chez lui. On le trouve aussi dans les essais sur Brecht. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « séparation de principe entre exécutant et public » ? Benjamin fait remarquer que la base même technique de la radio est déjà un moyen de travailler sur cette séparation. Parce que à la radio, on peut faire venir n'importe qui devant un micro. D'après lui, en Allemagne, on n'a pas encore... En Allemagne, nous parlons là bien sûr des années... Fin des années 20, début des années 30. En Allemagne, on n'a pas encore tiré les conséquences techniques de cette possibilité de donner le micro à n'importe qui. Alors que d'après lui, en Russie, on en tire les conséquences. Personnellement, j'ajouterais un petit point d'interrogation sur les possibilités que ça avait en Russie. C'est-à-dire qu'en Russie, il est vrai qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle le système des rabkorses, c'est-à-dire des correspondants ouvriers, c'est-à-dire la possibilité qu'on offrait à tout un chacun d'écrire dans le journal. Mais à ma connaissance, enfin, je peux me tromper, mais à ma connaissance, ça n'avait pas encore été, développé du côté de la radio. Donc, pour faire participer le public à cette expérience et pour qu'il ne tourne pas le bouton du poste, il faut développer chez lui ce qu'il appelle une expertise. C'est-à-dire, il faut créer en lui une attitude critique qui ne soit pas celle du lecteur passif de la grande presse. Il a écrit des choses fondamentales sur la presse qui sont encore tout à fait valables aujourd'hui et peut-être plus encore, à savoir que nous sommes constamment bombardés d'une masse énorme d'informations, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est encore plus vrai, mais une masse d'informations qui sont hétérogènes, disparates, non construites, et du coup l'auditeur ne sait plus où donner de la tête et c'est très difficile pour lui de construire un parcours là-dedans. Donc il s'agit de développer justement chez l'auditeur une expertise critique. Donc dans le cas de Lumière pour enfants, mais aussi dans le cas de certaines autres émissions, Benjamin attache également beaucoup d'importance au fait de s'adresser à un jeune public, donc aux enfants, aux adolescents, aussi aux adultes, mais à la jeunesse. Alors pourquoi ? Ben, entre autres parce que ce n'est pas une solution de facilité, bien au contraire. Je crois qu'il y a chez lui une volonté de transmettre ce à quoi il tient, ce à quoi il croit. Évidemment, après 1933, la radio lui sera fermée, mais c'est une préoccupation qui reste une constante chez lui. Et par exemple, en 1934, donc au moment où il a été obligé de quitter l'Allemagne et où il vit en exil, à ce moment-là, il est chez Brecht, qui lui-même était en exil au Danemark. Et il rapporte, vous le trouvez dans les écrits autobiographiques, il rapporte plusieurs discussions avec Brecht, et notamment le fait que Brecht, à un moment donné, à propos des poèmes de l'exil, dit « Il faut rappeler les crimes des fascistes parce que, je cite, c'est Brecht qui parle, mais transcrit par Benjamin, « Nous ne devons à aucun prix laisser les enfants hors de l'affaire. » Et Benjamin commente cette phrase de Brecht en disant « Tandis qu'il parlait ainsi, je sentis agir sur moi une force qui était de taille à affronter la force du fascisme. Je veux dire une force qui a des racines aussi profondes dans l'histoire que la force fasciste. » Et alors ces racines profondes dans l'histoire, ben, elles sont entre autres du côté des Lumières. C'est dans ce sens qu'il faut entendre Lumière pour enfants. Lumière, c'est évidemment l'Aufklärung, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Lumières françaises du XVIIIe siècle. Et là, sans avoir le temps de le développer, je voudrais citer un excellent bouquin, tout récent, de Corinne Pelluchon, qui s'intitule « Les Lumières à l'âge du vivant ». Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est un livre remarquable. Donc, Corinne Pelluchon, « Les Lumières à l'âge du vivant ». Pour moi, ce livre est une sorte de suite d'un livre plus ancien de Sternhell qui s'appelait « Les Antilumières » et qui date, je crois, de 2006. Et Pelluchon montre qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est-à-dire en 2021, il y a justement un très fort mouvement qui est le mouvement des Antilumières, qui ne sont pas tout à fait celles qu'avait vu Sternhell, mais c'est le même camp, si on peut dire. Et elle explique comment il faut réinventer les Lumières. Moi, j'ai trouvé ce livre très, j'allais dire, éclairant. C'est la moindre des choses, vu le titre. Bon. Alors, certaines émissions des Lumières pour enfants sont fondées sur des contes, Je reviendrai sur cette question du conte, mais je voudrais insister sur ce que vous avez entendu à l'instant dans l'émission de Philippe Baudouin, l'opposition entre le conte et le mythe. Le mythe, il est vraiment du côté de l'obscur, du côté de la profondeur. Il y a une très belle citation de Bloch que je vous donnerai si j'ai le temps, qui oppose le conte et le conte, lui, au contraire, c'est une fonction critique. On y reviendra peut-être. Donc, certaines émissions sont fondées sur des contes. La plupart des émissions de Lumière pour enfants sont, au contraire, plutôt réalistes, soit pour des sujets historiques, soit des sujets d'actualité. Et, en revanche, au point de vue proprement radiophonique, je dirais qu'à mon avis, elles sont plus traditionnelles que les émissions qui sont là-dedans. C'est pour ça que j'ai choisi d'analyser plus en détail trois émissions qui se trouvent dans les écrits radiophoniques et je parlerai plus rapidement de Lumière pour enfants. Parce que la prise en compte du médium radio, elle est relativement mineure. Comme d'ailleurs dans les conférences littéraires dont j'ai parlé à Nicolas, je crois que certaines de ces conférences ne sont pas traduites en français. Je dirais, pour nous, ça nous est égal, parce que ce sont des conférences, j'ai envie de dire, bêtes et méchantes. C'est-à-dire, elles sont intéressantes, évidemment, au point de vue littéraire, mais au point de vue médium, elles n'apportent vraiment pas grand-chose. C'est comme si on avait enregistré une conférence traditionnelle. Ça va, je suis encore dans les coups. Oula, on a largement. C'est même pas les deux tiers. Alors, la prise en compte du médium, donc dans Lumière pour enfants. Elle se fait essentiellement sous la forme de la manière de s'adresser à l'auditoire. Vous verrez que dans la seconde partie, il y a une prise en compte qui est plus variée et je dirais plus sophistiquée. Par exemple, Benjamin fait appel à une expérience commune qui est la promenade dans la ville de Berlin, puisque la plupart des jeunes auditeurs, on suppose, sont berlinois, même si ça peut être diffusé ailleurs. Et il leur suggère des observations. Par exemple, à propos d'une émission qui portait sur le dialecte berlinois, il conclut en incitant son auditoire, je cite, « Promenez-vous dans Berlin en ouvrant grand vos yeux et vos oreilles et vous récolterez bien plus de belles histoires que vous n'en avez entendues aujourd'hui à la radio. » C'est un peu masochiste, mais enfin, pourquoi pas. Ou encore, il évoque un souvenir personnel qui peut être partagé, mais qui en même temps, d'une certaine façon, renvoie l'auditeur à son statut et à sa solitude. N'oublions pas que l'auditeur, il est seul devant son poste, ou peut-être en famille, mais enfin, c'est quand même un auditoire restreint. Comme c'est rappelé à la minute, on ne parle pas à un vaste auditoire, on parle à une centaine ou des milliers de personnes isolées. Hein. Alors, donc voilà le souvenir en question. Quand j'étais petit, c'était une fête pour moi d'être emmenée aux halles de la place Magdebourg. Aujourd'hui, quand je veux me faire une petite fête, je vais me promener entre 4 et 5 aux halles de la Lindenstrasse. Je vous y croiserai peut-être, mais nous ne nous reconnaîtrons pas. C'est le mauvais côté de la radio. Et, bon, je passe sur quelques exemples. L'exemple, à mon avis, le plus parlant, c'est la visite de l'usine Borsig. Borsig, c'était une usine de construction de machines-outils. Et pour moi, cette visite, c'est un véritable modèle de méthode, parce qu'il articule un regard qui est forcément extérieur. Lui, il n'est ni ingénieur ni ouvrier, donc il est un touriste, si on peut dire comme ça. Et en même temps, la façon dont il articule ce regard à la manière dont il recueille l'information, ça pour moi, c'est vraiment un modèle. Alors, je vous donne un petit exemple. Ils viennent de parler d'un certain nombre d'éléments de l'usine. D'où est-ce que je sais cela ? Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est se poser la question, on a une information, d'où est-ce qu'elle vient, cette information ? Ça me paraît un truc fondamental. D'où est-ce que je sais cela ? Il est vrai que personne, dans une usine, n'a le temps de vous expliquer longuement ce qui vous intéresse. Il faut se débrouiller tout seul. Je savais qu'à Borsig, comme dans beaucoup de grandes usines, il y avait un journal d'entreprise. Et j'ai été y mettre mon nez. Bon. Et il explique, donc il fait toute une démarche, depuis l'entrée, c'est-à-dire les cartes de pointage, jusqu'aux étapes de la fabrication, et entre autres, il passe par la formation des apprentis. Je cite, « Les trois quarts des termes les plus importants, qui sont employés ici du matin au soir, vous ne les avez jamais entendus, et ils ne veulent rien dire pour vous. Il est des garçons, plus jeunes que vous peut-être, qui savent très bien, eux, ce que cela veut dire. Ce sont les apprentis de Borsig. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est quand même un rappel de la situation privilégiée du jeune auditeur. Lui, il est au collège ou au lycée, pendant qu'il y en a d'autres qui ont 13 ans ou 14 ans et qui sont déjà, eux, au travail. Sans transition, comme dit l'autre, je passe aux écrits radiophoniques. Je voudrais rappeler que nous n'avons pas ces enregistrements. Quant à la voix reconnue par Stéphane Hessel, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. Moi, je crois que j'ai lu que c'était controversé, enfin, qu'on n'était pas certain de l'identification. Je ne voudrais pas vous casser le moral si vous avez cru entendre la voix de Benjamin, mais il me semble que c'est conjectural. Hans, je ne sais pas si tu as des... Voilà. D'archivage, ouais. D'émission de la radio. Voilà. Donc ça commence en balbutiant, en 29, entre 29 et 33, on a fait des progrès fulgurants de la situation de l'archive radiophonique. Voilà. Voilà, ouais. Bon, moi, c'est ce que j'avais lu aussi, c'est ce qui me semblait. Mais enfin. Alors. Petite parenthèse justement à ce propos, c'est que donc nous n'avons pas ces enregistrements, nous avons simplement des tapuscrits qui ont été dictés, apparemment dictés à des secrétaires qui étaient plutôt analphabètes parce que c'était bourré de fautes d'orthographe, et donc il les a corrigés à la main. Donc on a des tapuscrits avec ses griffonnages à lui. Bon, c'est mieux que rien évidemment. Mais donc c'est pour dire qu'on ne sait pas véritablement. Mais l'important quand même de souligner cela, c'est que c'est les textes que nous lisons aujourd'hui ont un caractère beaucoup plus oral que ne sont les textes écrits que nous connaissons par ailleurs. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du conte et j'ai annoncé le conte comme genre critique. Alors, il puise dans le fond des contes et en cela, il est fidèle à son goût des formes populaires, la littérature de colportage, etc. Alors, c'est vrai que là, on peut s'interroger parce qu'on peut se dire, mais tout de même, le conte, c'est une forme traditionnelle. Est-ce que ce n'est pas en décalage avec sa volonté à la fois formelle et politique, d'utiliser ce médium nouveau qu'est la radio. Donc le conte traditionnel, la radio moderne. Alors, c'est compliqué parce que le conte en général, il a une valeur d'avertissement, une valeur qui n'est pas forcément réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a du mal dans le monde et autant le savoir. D'ailleurs, les psychanalystes comme Bettelheim, par exemple, estiment que si on ne raconte pas aux enfants des contes effrayants, c'est très mauvais pour leur éducation et ils grandissent mal. Voilà. Et c'est vrai que, bon, vous avez le conte de Peau d'Âne qui est sur l'interdit de l'inceste, vous avez le Chaperon Rouge sur la virginité, enfin, il y a quantité de contes qui comportent des avertissements qui peuvent être utiles dans la vie. Je n'ai pas le temps de vous citer longuement le texte de Ernst Bloch, mais je voudrais citer, vous dire simplement que pour lui, pour Bloch, c'est dans Héritage de ce temps, c'est dans un chapitre qui s'appelle Sur le conte, le colportage et la légende, où il explique que le conte désigne la révolte et la légende et le mythe, c'est le destin subi. Donc le conte serait du côté d'une position active et le mythe et la légende du côté d'une position passive, le destin subi. Bon, c'est une citation que j'aime bien, mais le chrono est implacable. Alors j'en arrive donc en fait, vous voyez que le conte porte un message qui peut être ambigu ou clivé, et c'est ce qu'on va voir avec les trois émissions que je vous propose. On a le temps. Non mais je me surveille non, quand même au passage. On a le temps. Alors la première adaptation, c'est le cœur froid. C'est adapté d'un conte de Wilhelm Hauff, qui est un auteur du début du 19e siècle, qui est mort d'ailleurs très jeune, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans. Le texte est de Benjamin et de Schön, et la musique est de Schön. C'est un texte de 1932. Alors, le canevas lui-même, est tout à fait, le canevas de l'émission, est tout à fait fidèle au conte initial. Et là, on peut tout à fait utiliser les catégories traditionnelles, là aussi, de Vladimir Propp dans Morphologie du conte, c'est-à-dire le héros, l'adversaire, l'adjuvant, etc. Alors le héros, Peter, rencontre un adjuvant, c'est un bon génie qui s'appelle le petit homme de verre, et un adversaire, c'est le démon qui veut lui prendre non pas son âme mais son cœur, d'où le cœur froid. Alors en un premier temps, Peter accepte, donc il devient très riche, mais évidemment il a un cœur de pierre. Et finalement il se repent et il finit par reprendre son cœur et il revient auprès de sa douce épouse qu'il avait attendue. Alors ça, c'est très Veillée des Chaumières, pour le coup. J'ai de nouveau mon cœur. Tu as toujours eu le mien. Voilà. Bon, c'est un peu gnangnan, disons. Mais vous voyez que le conte charrie, par là, des valeurs morales, dont certaines sont traditionnelles, mais si, qui ne sont pas forcément toutes à jeter. Par exemple, la fidélité, le sacrifice, pourquoi pas. Le dévouement à une cause, pourquoi pas. En revanche, le mépris pour l'argent, oui, mais c'est quand même bien commode pour le patronat, qui il vaut mieux que les ouvriers ne demandent pas d'augmentation de salaire parce qu'ils méprisent l'argent. Hein, voilà. Donc, il y a un peu de tout. Mais vous voyez que la morale est quand même grosso modo conventionnelle, du moins dans un effet de surface. Ça contraste avec la modernité de l'émission qui tient à deux aspects, c'est la thématique et le médium. Alors la thématique, là j'emprunte vraiment beaucoup à Philippe Baudouin, la thématique c'est la thématique du verre, le matériau du verre, comme ces merveilleuses bouteilles que nous avons. Alors le verre bien sûr c'est pas un matériau moderne en soi, il est connu bien sûr depuis l'Antiquité. Mais au XIXe siècle, qui est la période où écrit Hauff, c'est un synonyme de progrès, d'émancipation. Vous avez ça en détail dans tout le Paris, capitale du XIXe siècle. Et Baudouin notamment montre que, par exemple, dans les contes d'Andersen, c'est le contraire, c'est-à-dire que le verre est un symbole de mélancolie. Dans La Reine des Neiges, lorsque le héros reçoit dans le cœur un grain de verre ensorcelé, ben, il devient méchant. Bon. Alors qu'en fait, le verre, c'est surtout un matériau sur lequel on ne peut pas laisser de traces. Brecht, tout le Paris capital du XIXe siècle, et bien sûr Le Corbusier, les maisons de verre. Et à la fin, d'ailleurs, Peter, le héros, devient maître verrier. Donc, il triomphe dans l'artiste. Dis donc, Giuseppe. Bon. Il faut surveiller toute la classe, hein, c'est effrayant. Bah, d'habitude, je regarde plutôt les étudiants, mais il fallait aussi surveiller les... Je ne crois pas, franchement. Enfin, bon, passons. On réglera nos comptes après. Bon, ça, c'était la thématique. Maintenant, le médium. Alors là, le médium, il y a des effets qui sont inspirés en partie de Brecht, avec l'idée d'interruption, mais là, il faut quand même qu'il y ait un scoop scientifique quelque part, je vous propose un terme narratologique, que j'espère certains connaissent, c'est le terme de métalepse. Bonjour. Reprenons. Vous voulez une définition, peut-être? Oui. Alors, la métalepse, qu'est-ce que c'est la métalepse? Alors, ne cherchez pas sur Wikipédia, la définition est fausse. Ce que je vais vous dire, c'est vrai. Sur Wikipédia, c'est pas vrai. Alors, la métalepse, c'est, en gros, si vous voulez, c'est un changement de niveau narratif. Ça veut dire que c'est, là je cite Genette, les différentes façons dont un récit de fiction peut enjamber ses propres seuils, internes ou externes. Alors, pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire qui est l'exemple canonique de métalepse. C'est une nouvelle de Cortazar qui s'appelle « Continuité des parcs ». Là, bien sûr, tout le monde connaît, mais quand même, je vous la raconte. Alors, c'est une nouvelle très courte. Au début, on a un homme qui lit un roman. Il est assis dans un fauteuil, il ouvre un livre et il lit un roman. Alors le roman a l'air tout à fait palpitant et l'homme plonge dans le récit. Dans ce roman, il y a un homme, une femme, une forêt, un peu jungle, une ambiance un peu dramatique. Il y a un poignard et on apprend qu'ils doivent tuer quelqu'un. Ils se séparent, l'homme part de son côté, il entre dans une propriété, il monte un escalier, il entre dans une pièce où un homme, vous l'avez deviné, est en train de lire un roman. Bon. Donc, c'est une espèce de bande de Mébius, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une continuité des parcs, ça s'appelle. Il y a une parfaite continuité au niveau du texte. À aucun moment, on ne sent venir l'entourloupe. Et puis, brusquement, on comprend qu'on a complètement changé de niveau. Donc, c'est un changement de niveau. Donc, métalepse, notez-le sur vos tablettes. Ça pourra vous servir un jour, même si vous ne me croyez pas. Donc, ce changement du niveau narratif procure un effet critique. Pourquoi ? Ça nous rappelle qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans la fiction. Alors ici, dans le cœur froid, comment ça fonctionne ? Eh bien d'abord, le speaker intervient comme tel. C'est-à-dire que là, on est dans la réalité. On est dans un studio de radio, on est devant un micro, et le speaker dit, on va faire une émission. Bon. Donc on est dans la réalité. En fait, c'est déjà une représentation, bien sûr. Mais admettons que c'est le niveau de réel. Et il a cherché un sujet, il s'arrête sur le conte de Hauff, il décide qu'il va travailler sur Hauff. À ce moment-là, on frappe à la porte, et ce sont les personnages du conte de Hauff qui arrivent pour réclamer de passer à la radio, parce qu'ils sont enfermés depuis 100 ans dans un livre, et ils peuvent parler qu'à un seul enfant à la fois, celui qui est en train de lire le livre. Donc leur rêve, c'est d'accéder au pays des voix et de parler à des milliers d'enfants à la fois. Donc vous voyez que là, il y a tout le temps, ce sera un peu le schéma de l'émission, il y a tout le temps un changement de niveau narratif, puisque là, les personnages du conte n'existent pas dans le même continuum espace-temps que le speaker qui est en train de parler dans son micro. Alors, l'action elle-même, je n'entre pas dans le détail, elle se déroule selon le schéma du conte, mais il y a constamment des interventions du speaker. Par exemple, « Ne vous inquiétez pas si mes papiers bruissent parfois. » On entend des bruissements de papier. « Car moi non plus, sans mon plan, je ne m'y retrouve pas dans ce pays des voix. » À plusieurs reprises, on le voit, il a perdu ses feuilles, il ne sait pas où il en est. Ce qui est une façon de rappeler à tout moment la situation de l'auditeur. Alors, dans le déroulement de l'action, le seul effet sonore important à signaler, ce sont les voyages de Peter quand il est devenu riche. Il voyage dans toutes sortes de grandes villes, Francfort, Paris, Londres, Constantinople, etc. Et ces voyages sont sonorisés par quelques mots qui sont lancés très brièvement à chaque fois. Et alors, je m'arrête à Rome. Tu me surveilles. Hein? Bon. Alors, à Rome. Il Corriere della Sera, il Coliseo, Giovinezza, Spaghetti. Non, pardon, Spaghetti. Voilà. Alors, il faut dresser l'oreille. Bon. Vous avez entendu le nom d'un journal, d'un quotidien. Vous avez entendu le nom du Colisée. Vous avez entendu les spaghettis. Et puis Giovinezza. Mais comme on n'a pas l'émission, on ne sait pas si le speaker, ou enfin le bruiteur, disons, a dit Giovinezza, ou s'il a dit Giovinezza, qui est un chant fasciste. Donc c'est intéressant, vous voyez comment très habilement, au milieu de mots anodins, il met quand même une indication qui est une indication très précise, le chant fasciste de l'époque. Bon, alors à la fin, tous les personnages prennent congé, sauf que celui qui jouait le rôle du démon proteste parce qu'il a eu un personnage méchant et qu'il n'est pas content. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Benjamin reviendra, mais là je passe, c'est dans les essais sur Brecht, c'est un texte qui s'appelle « Le pays dans lequel il n'est pas permis de nommer le prolétariat », où il s'interroge sur ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du comédien, c'est-à-dire le fait pour un comédien de s'identifier ou non au rôle qu'il doit jouer. Donc, je résume, ici, dans Le cœur froid, le principe de prise en compte du médium, ce sont les décrochages constants, autrement dit appelés métalepse. Enfin, bon, je poserai une interrogation écrite à la fin du cours, qui rappelle donc à l'auditeur la situation de fiction et qui empêche ce qu'on appelle en fiction la suspension d'incrédulité. Regarde fébrilement mes paragraphes. Bon. Alors, deuxième et avant-dernier exemple, c'est Charivari autour de Casperl. Alors, ça, c'est une émission à laquelle Benjamin tenait particulièrement. Il écrit à Scholem. Scholem lui avait demandé de lui envoyer ses travaux pour la radio. Et il écrit ceci. D'un point de vue technique, il y a une émission peut-être qui mérite attention. C'est un morceau pour enfants, c'est Charivari autour de Casperl. Et c'est le texte le plus élaboré au point de vue du bruitage. Alors, qui est Casperl? C'est un personnage de marionnette qui n'est pas de l'invention de Benjamin. Il apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est une sorte de guignol ou de polichinelle qui est toujours, comme guignol, il est toujours en butte aux autorités, toujours bagarreur. Et le terme même de charivari, bon, radau, en français, charivari, c'est la forme médiévale de la contestation. Alors, c'est difficile à résumer, c'est d'ailleurs pas très intéressant de le résumer, parce que c'est un truc à la Buster Keaton ou à la Chaplin. C'est une série de gags extrêmement rapides, et évidemment, il n'y a rien de visuel par définition, donc tout cela est scandé par des bruits. Alors, exemple, sonnerie de téléphone, bruit de la rue. Dans les bruits de la rue, il y a la sonnette du tramway, les klaxons, bruit du restaurant, cliquetis de couverts, de verres, conversation, bruit de porcelaine cassée, tiens, on a eu ça hier soir, cri de rage du serveur, etc. Bon, il y en a quantité comme ça. Et on apprend à la fin que sous le lit de Casperl, quand il est malade ou blessé, il y avait un micro et que toutes ces blagues ou tous ces méfaits ont été enregistrés. mais le speaker, à ce moment-là, lui apporte une récompense. D'après Baudouin, l'acte d'installer clandestinement un micro constitue une critique de la radio weimarienne. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, au passage, c'est que ça suggère que, sous Weimar, on a tendance à exalter la République de Weimar par rapport à ce qui a suivi, c'était peut-être pas non plus tout à fait paradisiaque. En tout cas, il y avait un projet de participation du public qui, sauf erreur, n'a pas été réalisé. C'est dans un texte qui s'appelle « Casperl et la radio, une histoire avec du bruit ». Alors, qu'est-ce que c'est ce texte ? C'est un ensemble de consignes qui est destiné au metteur en onde de la version longue. Il y a un cadre fixe et une série d'épisodes dont chaque partie consiste à chaque fois en divers modes de bruit caractéristiques. Et le speaker devait demander aux auditeurs d'identifier les bruits et d'envoyer les solutions à la radio. Et la radio devait décerner des prix. Ça n'a pas été, à ma connaissance, fait. Donc là, il n'y a pas de métalepse, il n'y a pas d'effet proprement brechtien, mais le travail est intéressant, surtout au niveau du médium, au niveau de la sonorité. Alors, j'en arrive à mon dernier exemple, qui est Lichtenberg, un aperçu. C'est un texte qui a été conçu en 1932-1933 et qui n'a jamais été diffusé. Vu sa date, on le comprend. Alors, il y a d'abord une distribution des acteurs, des personnages. Il y a des personnages qui sont des habitants de la Lune et d'autres qui sont des êtres humains. Alors là, je suis très fière de vous annoncer une source que j'ai repérée. C'est que les lunaires portent des noms que Benjamin n'a pas inventés, mais il les a empruntés à un écrivain que Benjamin aimait bien. Il s'agit de Paul Scherbart, qui est auteur notamment de « Architecture de verre » et d'un roman qui s'appelle « Les Abendios », un roman astéroïde. Et là, au passage, c'est ça qui justifie, enfin qui explique en tout cas, la couverture qui a été choisie pour écrire radiophonique. Parce que qu'est-ce que nous voyons sur cette couverture? Je ne sais pas si vous le voyez au fond, mais c'est Orson Welles en train de mettre en ombre le roman de Wells, La guerre des mondes, qui, vous le savez peut-être, aurait déclenché, parce que c'est controversé, des paniques parmi les auditeurs américains qui avaient cru qu'il s'agissait d'une histoire réelle, d'une invasion réelle des Martiens sur la Terre. Donc voilà. Donc je pense que cette thématique des extraterrestres a inspiré celui qui a choisi la couverture. Donc Benjamin s'est toujours intéressé au monde extraterrestre, aux anticipations, et en particulier à ce roman de Scherbart qui s'appelle Les Abendios. Pourquoi ? Quel rapport avec la technique ? Bien, déjà, c'est que, aux yeux de Scherbart, la technique qui nous permettra peut-être d'aller dans la Lune ou sur Mars ou autre, va transformer l'être humain, ce qui est bien une idée du temps, c'est-à-dire que tant du côté des nazis qui veulent créer un homme nouveau, que des soviétiques qui veulent également créer un homme nouveau, il y a bien cette idée que l'être humain n'est pas une nature immuable, mais peut se modifier en profondeur. Donc voici ce que Benjamin écrit à propos de Scherbart. Il existe des romans de lui qui, de loin, ressemblent à du Jules Verne. Mais, à la différence de Verne, chez qui les véhicules les plus extravagants ne transportent à travers l'espace que des petits rentiers français ou anglais, Scherbart s'est demandé en quelle créature tout à fait nouvelle nos télescopes, nos avions et nos fusées transformeront l'homme d'hier. Ces créatures, du reste, parlent déjà une langue tout à fait nouvelle. L'élément décisif de cette langue est l'attrait pour tout ce qui relève d'un processus, d'un projet délibéré de construction, par opposition notamment à la réalité organique. Ça, c'est intéressant. Projet de construction opposé à la réalité organique. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu plus tard, je veux dire ailleurs, Tim Ingold et autres. Même texte, la langue ne subit aucun renouvellement technique, mais elle se trouve mobilisée au service de la lutte ou du travail, au service en tout cas de la transformation de la réalité plutôt que de sa description. Transformation de la réalité plutôt que de sa description. Moi, je signe. C'est dans « Expérience et pauvreté » que vous avez sur la table, entre autres. Voilà. Donc, pour revenir à Lichtenberg, mais ce n'est pas un excursus, c'est que vraiment, il me semble que ça désigne bien la perspective révolutionnaire qui est celle de Benjamin. Alors, dans ce Lichtenberg, il y a deux niveaux narratifs principaux. Il y a les habitants de la Lune, qui observe Lichtenberg, et la Terre, où vit Lichtenberg. Et sur la Terre même, il y a plusieurs niveaux narratifs de décrochage, le théâtre, un musée, la lettre, etc. Tout ça étant montré par différents moyens sonores. Alors, sur la Lune, existe un comité pour l'étude du monde terrestre. Les débats sont brefs. Le temps de parole est limité. C'est exactement comme dans « à l'écoute » ou « une minute ». Pourquoi ? Parce que les lunaires se nourrissent de silence, ce qui est évidemment un paradoxe s'agissant de la radio. Alors, le scénario est bâti sur un contrepoint. La vie de Lichtenberg telle qu'elle est observée par les machines des lunaires et les commentaires des lunaires. Alors là, la technique va régner puisque les lunaires possèdent trois machines pour leur étude de la Terre. D'abord, il y a un spectrophone. Le spectrophone, c'est un dispositif à travers lequel tout ce qui se passe sur Terre s'entend et se voit. Alors, se voit, évidemment, à la radio, c'est pas possible, mais en tout cas, tout s'entend. Il y a également un parlamonium qui traduit en musique le discours des humains, souvent accablant pour les lunaires, gâtés par la musique des sphères. Évidemment, ils n'écoutent que la musique des sphères, donc le bavardage des humains, c'est pénible. Et enfin, il y a un oniroscope pour observer les rêves, parce que sur la Lune, on s'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Donc, les lunaires décident de prendre pour objet d'étude Lichtenberg, qui est un personnage historique, bien entendu, c'est un auteur d'aphorismes, et il a fait une carte de la Lune qui, pour eux, ne leur convient pas. Donc, ils vont l'observer. Bon, je passe sur un certain nombre d'éléments peut-être trop anecdotiques. En tout cas, un petit flash sur l'oniroscope. En rêve, Lichtenberg discute avec Dieu, qui lui a prêté un modèle réduit, une maquette de la Terre. Dieu est un architecte. Bon, dernière interruption, je passe sur quelques exemples. Le président du comité lunaire propose d'organiser une cérémonie funéraire pour Lichtenberg parce que, évidemment, Lichtenberg n'a pas écrit grand-chose, mais peut-être parce qu'il savait que les écrits, c'est quelque chose d'éphémère qui est promis à la critique rongeuse des souris. Et donc, c'est peut-être pour ça. Et d'autre part, ses pensées, dit le président du comité lunaire, ses pensées sont pleines d'aperçus singuliers, fervents et avisés, auxquels peut-être la gaieté imperturbable que nous avons, nous, habitants de la Lune, ne l'aurait jamais, lui, laissé parvenir. Pourquoi ? C'est que les lunaires ne connaissent pas la mort. Ils ne connaissent pas le tragique de l'existence. Et Lichtenberg, oui. Et du coup, on donne son nom à un cratère. Alors, cette œuvre Lichtenberg, donc cette dernière émission qui est restée virtuelle, à mon avis, c'est la plus riche et, je dirais, la plus personnelle des écrits radiophoniques de Benjamin. J'ai été très vite pour la résumer, je ne peux que vous conseiller de la lire. Qu'est-ce qui est, à mon avis, proche de lui ? C'est d'abord cette mélancolie de Lichtenberg, qui est à la fois historique, mais qui est fortement jouée ici. Le deuil qu'il a subi, c'est la mort de sa jeune amie, que Benjamin citera à nouveau dans le recueil Deutschmensch, enfin allemand, qui est centré sur la période des Lumières. Le contexte historique brutal, là je suis passé sur certaines allusions historiques, vous êtes obligé de me croire sur parole. Tout ça, c'est des motifs qui évidemment lui sont proches. Et sur le plan du médium, bon, c'est vrai qu'il y a un contrepoint qui est peut-être un peu trop systématique entre la Lune et la Terre, mais c'est quand même assez sophistiqué, c'est-à-dire qu'il y a trois voire quatre niveaux narratifs. Et les bruitages qui sont sans doute dus à Schön sont empruntés à la musique baroque ou classique, Haydn ou Handel, qui est sans doute la seule capable de concurrencer la musique des sphères. Et enfin, le minutage des temps de parole des lunaires, bien évidemment, c'est une mise en abîme des contraintes de la radio. Alors en conclusion, à partir de... J'ai perdu mon chrono. C'est pas grave. Bon, de toute façon, j'en suis à la conclusion. Ça va, j'ai pas besoin de rouler les airs et de faire des pauses méditatives. Ça va. Donc, à partir de 1933, comme vous le savez, Benjamin vit en exil et il n'aura plus de possibilité de travailler pour la radio. Mais la radio devient pour lui, plus encore qu'auparavant, un lien avec le monde et la politique. Quand il vit au Danemark, chez Brecht, il est dans une région très retirée, très isolée. Il écrit ceci à Horkheimer. C'est une lettre de septembre 1934. Grâce à une bonne radio, le contact est maintenu avec le vaste monde. Cet été, justement, Il eût été totalement impossible d'y renoncer. Suivre le putsch autrichien depuis ses débuts, car il commença à Radio Vienne, comme je le fis par hasard, fut une expérience véritablement mémorable. Donc, il n'est plus acteur de la radio, il n'est plus qu'auditeur, mais en tant qu'auditeur, il n'est évidemment pas un auditeur passif, il a justement l'expertise et la vigilance qu'il voulait procurer à son auditoire. Je vous remercie. Merci, merci Anne, parce que c'est une introduction qui nous fait rentrer dans le détail de trois de ces productions, de ces textes et de ces réflexions. Et des exemples qui sont assez peu connus, en fait, c'est des aspects de Benjamin qu'on a peu l'habitude au final de commenter. On connaît davantage Lumière pour enfants, je pense. Voilà, ouais. Exactement. Alors, je vous propose un temps d'échange avec Anne. Par contre, pour prendre la parole, on a un micro. Alors, bien sûr, c'est parce que l'objectif, c'est que l'ensemble soit enregistré, même si on vous entend très bien sans micro. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à peut-être commenter, compléter, discuter d'un point. Hans Arge. Bon, au risque de... de commettre un faux sens, mais... ce que tu as dit de la métalepse et les exemples que tu as donnés, il y a une proximité avec la distanciation brechtienne. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas présenté comme alternative aux effets brechtiens. C'est une sorte de... Oui, c'est une variante, si on peut dire. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Les auditeurs ont la parole, comme on dit. Tout le monde est terrassé. Bonjour à tous, Hélène Pétani. C'est une question. Enlève-le. On n'entend pas bien. Excusez-moi, je suis tellement habituée. Ça faisait partie de moi. Moi j'aurais juste une question un peu pratique. Est-ce qu'on connaît la volumétrie de l'auditoire à l'époque où, de la radio dans les années 20? Tu as le spécialiste à côté. Je montrerai cet après-midi des chiffres. Bon, ça a commencé évidemment avec un tout petit nombre qui se compte par centaines et ça monte en quelques mois à des millions de récepteurs potentiels. Mais déjà à l'époque, la radio, enfin un appareil, était cher. Et c'est le coup de génie des nazis, il faut le dire, de produire en masse des radios primitives, mais qui peuvent être achetées par n'importe qui, et notamment les gens qui ont peu d'argent. Donc, vers la fin de 1925, si je ne m'abuse, il y a déjà 1 million d'auditeurs potentiels. Mais qui a écouté quoi et quand, et dans quelles conditions, et en étant devant le poste ou pas, enfin, je suppose que les incertitudes sont comme aujourd'hui avec médiamétrie. Il y a des gens qui mettent la télé le matin et qui l'éteignent en fin de soirée, mais qui ne sont pas tout le temps devant. Donc je n'ai pas de chiffres réels ou disons fiables. Là. Merci beaucoup pour la présentation absolument superbe et très très riche, très dense. Moi j'aurais une question assez large et assez ouverte. Sur la question du médium, en fait, parce que la radio, en fait, j'en vois l'usage de nouveaux médiums. Je me demandais si, dans les écrits de Benjamin, il y avait une réflexion ou des propos qui tournent autour de la voix de celui qui raconte des histoires à la radio. Qu'est-ce qu'on peut dire de la voix, en fait, de Benjamin par la narration? Oui, alors il y a un texte, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais je pourrais le chercher, où il parle de l'importance de la voix et de la diction. Je l'ai laissé de côté parce que moi je voulais surtout insister, bien sûr tu as raison, c'est un facteur extrêmement important, il faut y faire attention. On dit toujours que quand quelqu'un a une belle voix, il pourrait lire l'annuaire téléphonique, on l'écouterait quand même avec plaisir. Et en revanche, quelqu'un qui aurait une voix désagréable, c'est plus difficile de l'écouter. Il y a un texte de Benjamin, mais ce n'est pas dans les écrits radiophoniques, c'est dans quelque chose que j'ai vu passer récemment, mais qui n'est pas sur la radio, où il insiste sur l'importance de la voix et de l'élocution. Simplement, je trouvais que ça affaiblissait un peu le propos, parce que je voulais surtout parler des aspects proprement script, du script, si tu veux. Voilà. Mais tu as raison, bien sûr. C'est pas, autant je me rappelle, ce n'est pas dans les écrits radiophoniques. Peut-être quelqu'un qui l'aurait plus présent à l'esprit que moi pourrait le dire. Je le chercherai, en tout cas. Au moment où Benjamin commence ses émissions, la radio existe depuis combien de temps? Je ne me souviens plus très bien de... Hans. Hans interviendra aussi cet après-midi sur l'histoire de la radio en Allemagne en particulier. On dit que la première émission de radio date d'octobre ou novembre 23. Avant, il existe la transmission par onde, mais il faut savoir aussi que les débuts de la République de Weimar, c'est une révolution, c'est un chaos. En 23, c'est l'hyperinflation. En 29, c'est la crise économique mondiale. Donc, ce sont des temps troubles. Bon, Anne l'a dit tout à l'heure, la République de Weimar, par contraste avec ce qui a suivi, on a un peu tendance à l'auréoler. C'était en fait, me semble-t-il, j'y étais pas, un pays au bord de la guerre civile permanente. Monsieur, moi j'ai une question qui peut-être va aussi traiter enfin, d'autres interventions de cet après-midi. Tu as dit, Anne, justement, il y avait aussi une volonté de peut-être se différencier de la question des journaux, ou du moins de trouver une autre forme. Mais pour Benjamin, et je pense aussi surtout à par exemple, Siegfried Krakauer, ils ont beaucoup écrit justement pour les journaux, mais en recherchant une voix qui ne me semble pas si éloignée que ça de la voix de celle de Lumière pour enfants, par exemple. Oui, tout à fait, absolument. D'ailleurs, tous les textes où Benjamin parle de Krakauer, notamment le texte évidemment sur les employés, qui est le plus connu, mais de temps en temps, il y a des allusions à Krakauer, et on voit qu'ils avaient absolument la même problématique par rapport à ça, c'est-à-dire la volonté, encore une fois, de construire un lecteur vigilant, un lecteur expert par rapport à la presse. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que le prix Walter Benjamin 2021 a été décerné à un livre que vous avez sur la table là et que Nicolas a eu le flair d'acheter quand il est paru, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le prix. Et paraît-il que c'est l'édition, enfin comme c'est l'édition, j'ai l'édition originale qui depuis ne ressemble plus à celle-ci. Voilà. Collector, absolument. Et c'est un livre qui s'intitule « Mais de quoi ont-ils eu si peur ?» Et c'est une convergence de Krakauer, Benjamin et Ernst Bloch qui se sont trouvés tous les trois à Marseille en 1926-27 et qui ont été confrontés aux grandes démolitions urbanistiques entre guillemets du quartier derrière la Bourse avec notamment le massacre de l'église Saint-Martin, etc. Et c'est leur réflexion. Et il y a tout c'est un livre qui est passionnant parce qu'il est extrêmement hétérogène, c'est-à-dire il y a à la fois des extraits de romans, des extraits de textes paromanesques, des lettres, y compris quelques lettres imaginaires, des photos. Et c'est un livre, c'est pas en tant que Marseillaise que je le dis, mais c'est vraiment un très beau livre. On est très content qu'il ait le prix. Et justement, par rapport à la question de Krakauer, c'est vrai qu'on voit bien la convergence entre les trois hommes. Oui. Ouais. Peut-être pour les étudiants, il y a beaucoup de noms. Tous les noms là que vous entendez, c'est principalement des intellectuels allemands qui ont fui le nazisme en passant par la France, puis qui ont fui la France nazie pour essayer de rejoindre l'Amérique. En particulier, on y reviendra dans peut-être Bruno ou d'autres. Enfin, on y reviendra peut-être dans cette semaine. Et voilà. Et pour Krakauer, je voudrais signaler un livre relativement récent, qui est en partie posthume, qui s'intitule « L'histoire des avant-dernières choses ». Je crois qu'il est sorti l'année dernière, qui est remarquable. Bon, c'est évidemment, comme tous les livres posthumes, c'est un peu de briques et de broc, mais il y a des réflexions sur la culture qui sont, et sur la culture de masse, qui sont à mon avis très très intéressantes, y compris pour le propos des étudiants ici. Tu vois, voilà. « L'histoire des avant-dernières choses ». Eh bien, je vous propose une courte pause. Il y avait une dernière question, non ? C'était non. Si, alors Paul, une dernière question. Vas-y. Au micro. Oui, je voulais vous poser la question de savoir si les œuvres radiophoniques de Benjamin avaient fait des émules chez les philosophes, s'il y avait eu continuation des émissions, de ce genre d'émissions, chez d'autres philosophes après. Chez d'autres ou chez lui ? Non, chez d'autres philosophes. Est-ce que d'autres philosophes ont repris cette méthode de Benjamin ? Est-ce qu'il y a eu d'autres émissions radiophoniques sur le modèle de... À l'époque, à ma connaissance, pas tellement. C'est-à-dire qu'en France, pour ce que j'en sais, la plupart des intellectuels, des intellectuels connus, ne se sont pas tellement intéressés à la radio comme médium quand ils n'avaient pas une attitude franchement hostile, comme par exemple quelqu'un comme Georges Duhamel. Et s'ils utilisaient la radio, c'est un peu comme Benjamin a pu le faire pour certaines conférences, c'est-à-dire sur une modalité très traditionnelle, comme on fait un cours de Sorbonne ou comme on fait une conférence, sans se préoccuper de savoir si on parle à la radio ou devant un auditoire réel. Mais... quand même enquête à suivre, parce que je réponds d'après ce que... En tout cas, pour l'Allemagne, je ne sais pas. Pour la France, à l'époque, à mon avis, pas grand-chose. Ça ne s'est développé, à ma connaissance, qu'après-guerre, dans les années 50, et encore avec pas mal de timidité, je crois. Devant. Micro. Le micro, parce que on enregistre. Le livre s'intitule « Écrit radiophonique ». Donc, tout était écrit, oui. Rien n'était improvisé. On peut penser qu'il... Enfin, c'est conjectural puisqu'on n'a pas les enregistrements. On peut penser que... Enfin, on a les écrits et ça a été, le texte qui s'appelle « Écrit radiophonique » a été fabriqué à partir des tapuscrits corrigés que nous avons. Maintenant, y a-t-il eu intervention sur les textes ? Est-ce qu'il y a eu des coupes ? Ça, j'avoue, je ne sais pas. Il faudrait... Tu as une idée ? Non, voilà. Ouais. En tout cas, effectivement, la part d'improvisation devait être réduite puisque tout était minuté et qu'il chronométrait chez lui ce qu'il avait à faire. Oui, micro. Il y a un jeu de mots, si l'on veut, qui aurait été proposé par Döblin. C'est que la radio n'exige pas le Schriftsteller, c'est-à-dire l'écrivain, mais le Sprechsteller, donc celui qui sait et qui sait parler, et de préférence sans manuscrit. Et juste en réponse peut-être brièvement à la question précédente, il y a un philosophe qui a été très connu pour ses causeries à la radio, mais après la guerre, parce que de toute façon dans la radio allemande entre 1933 et 1945, par nécessité, il n'y avait rien de remarquable, ou alors de remarquablement orienté, c'était Adorno. Adorno apparemment parlait mieux qu'on pouvait l'écrire. Il a une réputation de... Bon, ses écrits sont ardus. Apparemment, il avait une capacité de tenir son public captif à la radio extraordinaire. C'est de quel genre d'émission, c'est Adorno ? C'est le Nacht... Enfin, causeries à la radio en soirée. Enfin, il faudrait regarder ça de près. Mais... philosophique, oui. Et effectivement, c'est bien le mot causerie qu'on retrouve en traduction française pour même certains propos de Benjamin, etc. Je vous propose qu'on arrête là et merci beaucoup, Anne, de ton intervention. On fait une pause de 10 minutes et on retrouve Bruno Kezan pour parler de Walter Benjamin et pour vous, ici, mais on n'enchaînera pas avec une discussion, on enchaînera avec une marche en direction du mémorial Benjamin. À tout de suite.